Paragraphe 7e, conclusion. Et j'obéis. Le lendemain, dès 6 heures, je quitte le château en proie au plus sinistre pressentiment, essayant en vain de me persuader que cette scène ne serait pas suivie d'effet, que le comte André arriverait assez tôt pour la sauver, qu'elle-même, au dernier moment, elle hésiterait, qu'un incident inconnu surviendrait. Quant à fuir, à reculer devant la vengeance possible du frère, je n'y songeais pas une seconde. Cette fois, j'avais retrouvé du caractère parce qu'une idée était en moi vivante et qui me soutenait, celle de ne pas me laisser humilier par cet homme. Oui, si j'avais eu, devant une fille affolée et dans la faiblesse de l'amour heureux, une heure de défaillance, je n'en aurais pas une autre devant la menace d'un homme. J'arrivai à Clermont, dévoré d'une anxiété qui ne fut pas de longue durée, puisque coup sur coup j'appris le suicide de Mademoiselle de Jussas et je fus arrêté. Dès les premiers mots du juge d'instruction, j'ai reconstitué tous les détails de ce suicide. Charlotte a pris dans la fiole de poison achetée par moi ce qu'elle a cru devoir suffire à sa mort. Elle a dû faire cela le même jour où elle a lu mon journal dont j'ai retrouvé en effet la serrure forcée. Je ne m'en étais seulement pas aperçu, tant j'avais là m'ailleurs qu'à ses notes stériles. Elle eut soin, pour détourner mes soupçons, de remplacer par de l'eau la quantité de noix vomiques ainsi dérobée. Elle a jeté le flacon qui lui a servi par la fenêtre, parce qu'elle n'a pas voulu que son père et sa mère apprissent son suicide autrement que par son frère. Et moi, qui savais toute la vérité sur cet horrible drame, moi qui pouvais du moins donner mon journal comme une présomption de mon innocence, je l'ai détruit, ce journal, au sortir de mon premier interrogatoire. J'ai refusé de parler, de me défendre, à cause de ce frère. Ah, je vous l'ai dit, j'avais vidé jusqu'au fond la coupe des humiliations et je n'en voulais plus. Je n'en veux plus. Cet homme que j'ai tant envié dès le premier jour, cet homme qui me représente la morte maintenant et qui, sachant toute la vérité, lui aussi, doit me considérer comme le dernier des derniers, je ne veux pas qu'il ait le droit de me mépriser tout à fait, et il ne l'a pas. Il ne l'a pas parce que nous nous taisons tous deux. Se taire, pour moi, c'est risquer ma tête afin de sauver l'honneur de la morte, et pour lui, c'est immoler un innocent à cet honneur. De nous deux, en ce moment, de moi qui ne veux pas me défendre en m'abritant derrière le cadavre de Charlotte, et de lui qui, ayant cette lettre, la garde devers lui pour se venger de l'amant de sa sœur en le laissant condamner comme assassin, lequel est le brave, lequel le gentilhomme? Toute la honte de ma faiblesse, dans cette nuit où Charlotte s'est donnée à moi, s'il y a eu honte, je l'efface en ne me défendant pas, et je trouve une espèce de volupté d'orgueil, comme une revanche de ces horribles derniers jours, à ne pas me tuer maintenant, à ne pas demander à la mort l'oubli de tant de tortures. Tandis que le comte André a poussé lui aussi son infamie jusqu'au bout. Si je suis condamné, lui me sachant innocent, lui en ayant la preuve, lui se taisant, eh bien, les Jussas Randon n'auront rien à me reprocher, nous serons quittes. Pourtant je vous ai tout dit à vous, mon vénéré, mon cher maître. Je vous ai ouvert le fond et l'arrière-fond de mon être, et en confiant ce secret à votre honneur, je sais trop à qui je m'adresse pour même insister sur la promesse que j'ai pris le droit d'exiger de vous à la première page de ce cahier. Mais voyez-vous, j'étouffe de ce silence, j'étouffe de ce poids que j'ai là toujours, toujours sur moi. Pour tout vous dire d'un mot et appliquer à ma sensation, il est légitime, comme cette sensation même, j'étouffe de remords. J'ai besoin d'être compris, consolé, aimé. Qu'une voix me plaigne et me dise des paroles qui dissipent les fantômes, les obsédants, les torturants fantômes. J'avais dressé en esprit, quand j'ai commencé ces pages, une liste des questions que je voulais vous poser à la fin. Je m'étais flatté que j'arriverais à vous raconter mon histoire, comme vous exposez vos problèmes de psychologie dans vos livres que j'ai tant lus. Et puis je ne trouve rien à vous dire que le mot du désespoir, de profundis. Écrivez-moi, mon cher maître, dirigez-moi. Renforcez-moi dans la doctrine qui fut, qui est encore la mienne, dans cette conviction de l'universelle nécessité qui veut que même nos actions les plus détestables, les plus funestes, même cette froide entreprise de séduction, même ma faiblesse devant le pacte de mort, se rattachent à l'ensemble des lois de cet immense univers. Dites-moi que je ne suis pas un monstre, qu'il n'y a pas de monstre, que vous serez encore là, si je sors de cette crise suprême, à me vouloir comme disciple, comme ami. Si vous étiez un médecin, et qu'un malade vint vous montrer sa plaie, vous le penseriez par humanité. Vous êtes un médecin aussi, un grand médecin des âmes. Ah, la mienne est si profondément blessée, si saignante. Je vous en supplie, une parole qui la soulage, une parole, une seule, et vous serez à jamais béni de votre fidèle Robert Grélot.